Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphresne. Notre grand témoin est un curieux entrepreneur ou un entrepreneur curieux. Ingénieur des mines, il a fait toute sa carrière dans la technologie, il dirige une société de recherche et de développement. Le monde économique ne lui est pas étranger, vous l'avez compris. Et on va analyser avec lui, on va consacrer une petite partie, mais une partie quand même de notre entretien à ce qui se passe à la SNCF. Jean-Jacques Walter a déjà publié notamment « Les machines totalitaires », analyse du système national-socialiste, du système chinois également. Donc il a une vision macroéconomique des choses qui nous permet de comprendre l'intimité de notre système à nous. Mais il ne se contente pas de regarder les systèmes économiques, il aime aussi comprendre dans le domaine religieux des nouvelles religions qui ont émergé sur notre territoire, et c'est le cas de l'islam. Il se passionne pour cette question au point d'être aujourd'hui docteur d'État en islamologie. Jean-Jacques Walter a déjà publié la théorie des codes sur le Coran et il publie maintenant les deux islams, Islam des Lumières contre Islam radical aux éditions Télémaque. Il va donner bientôt une conférence au Cercle Interallié. C'est vendredi 13 avril à 8h30, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. Et donc on va en quelque sorte en avant-première éventer un petit peu son sujet à la lumière de ce qui s'est passé bien sûr dans l'Aude. Bonjour Jean-Jacques Walter. Bonjour. Alors une petite précision quand même, vous avez 85 ans Jean-Jacques Walter, et vous êtes peut-être, c'est ce qu'on se disait, l'un des doctorants qui a passé donc son diplôme à l'âge le plus avancé, c'est ça? Oui, exactement. À 80 Expliquez-nous. Ans. Ça m'intéressait, donc je me suis inscrit dans une université, comme je suis ingénieur... À Toulouse, je crois, non? À Toulouse. Elle n'était pas politiquement correcte, cette thèse, parce qu'elle essayait de comprendre combien il y avait d'auteurs dans le Coran en utilisant des procédés mathématiques. Chaque auteur a un certain style, et mathématiquement on peut le caractériser, et savoir si deux pages différentes sont du même auteur ou pas. Alors c'est ça qui les intéressait, ce sont les mathématiques au service du Coran, oui, c'est un peu ça? Exactement. Et j'ai eu un jury assez curieux, puisqu'il y a eu à la fois des islamologues et des mathématiciens de très haut niveau, pour juger les deux aspects de la question. Pourquoi est-ce que vous avez voulu croiser mathématiques et Coran? Parce que c'était une manière nouvelle d'aborder et de comprendre comment s'est formé le Coran. D'après l'islam, il a été fait soit en une journée seulement, soit en 22 ans. Les deux théories coexistent et elles sont toutes les deux vraies. Je ne comprends pas comment elles peuvent être toutes les deux vraies, mais bref. En fait, il y a une cinquantaine d'auteurs et ça a été écrit sur environ 200 ans. Et j'ai pu démontrer ça de manière telle que aucun musulman n'a pu le contester. Et personne n'avait entrepris ce travail d'élucidation de la durée de conception du livre? Alors, il y avait des présomptions assez importantes. C'est pour ça que ça a été accueilli facilement. Il y avait des présomptions, mais il n'y a pas de preuves. Donc, en fait, je n'ai pas fait une novation. J'ai fait la démonstration que ce qu'on pensait était vrai sur le nombre d'auteurs du Coran et sur la durée dans laquelle il était rédigé. Mais quand ils vous ont vu arriver, Jean-Jacques Walter, à l'université, vous aviez à l'époque peut-être 70 ans, c'est ça? Quand vous êtes commencé à vous intéresser au sujet. 75, voilà, ils vous ont vu arriver, vous avez dit, j'ai envie de parler du Coran et des mathématiques. Et ils ont dit, ah, tiens, super, personne n'y avait pensé. Ah non, ils n'ont pas dit ça du tout. Ah, ils ont dit, mais expliquez. Vous allez conclure d'une manière qui est contraire à ce que pense l'ensemble des musulmans, donc on refuse cette islamophobie. Au départ, oui. J'ai été rejeté de toutes les possibilités à Paris. J'ai essayé un certain nombre de villes. Et finalement, j'ai trouvé une spécialiste très connue qui s'appelle Madame Urvois à Toulouse. Marie-Thérèse Urvois. Qui a accepté d'être professeure de thèse. Et c'est elle qui m'a trouvé, à Montaigne, une école doctorale qui m'a accepté. Il s'est passé quelque chose qui est quand même significatif. C'est qu'après 4 ans de travail, au moment où la thèse était prête... Le professeur, le chef de l'école doctorale est mort, le malheureux, d'un cancer. Et j'ai été immédiatement rejeté de l'université. Sans explication. Alors, la professeure de thèse a été posée des questions. On a dit que c'était l'autorité politique de Bordeaux qui avait demandé à ce qu'il n'y ait aucune thèse qui puisse chagriner des musulmans. Ça ne m'a pas gêné. Qui puisse quoi? Je n'ai pas entendu. Chagriner. Des musulmans. Ça ne m'a pas gêné. Le jury était déjà réuni, mais on l'a transporté à Toulouse. Et j'ai passé ma thèse à Toulouse. Mais en quoi est-ce que ça peut chagriner des musulmans, le fait de savoir que ça a été écrit sur telle ou telle période, dans la mesure où vous utilisez les mathématiques qui, à première vue, sont une méthode scientifique? Exactement. C'est parce qu'elle est scientifique que ça gêne de montrer que le Coran n'a pas été fait en une vingtaine d'années par Mahomet, mais en 200 ans par beaucoup d'auteurs. Et c'est directement contraire à ce que raconte l'idéologie musulmane. Mais si on dit que c'est inspiré par, et que ça a été transcrit par une multitude d'auteurs, mais inspiré par une source originelle, ça ne va pas non plus ? Ah ben non, ça ne leur va pas, parce qu'ils disent que ça a été fait uniquement par Mahomet, et qu'il était le seul inspiré. Alors dire qu'il y a 50 inspirés, c'est gênant. Vous pouvez énoncer des preuves formelles de ce que vous dites ? Oui. Prenez un texte de Proust, il fait des phrases très longues. Donc si vous comptez 1000 caractères, le nombre de points qui terminent la phrase va être plus réduit. Vous pouvez trouver un grand nombre de caractéristiques de cette sorte, et mathématiquement, on peut en faire une synthèse. Et cette synthèse permet de savoir si deux textes sont du même auteur ou pas. C'est comme ça qu'on peut trouver qu'il y a une cinquantaine d'auteurs dans le Coran. Mais ça n'a pas été écrit en latin, le Coran, en écriture latine. Non, mais la méthode en question est utilisable sur n'importe quel système de signes. D'accord. Et on peut également dater. Par exemple, les textes de Victor Hugo peuvent être datés à 10 ans près, parce qu'on a des références avec ces lettres, qui sont toutes datées. Et les méthodes de datation qu'on peut utiliser sur le Coran montrent que ça a été fait sur environ 200 ans. Ce sont des méthodes purement mathématiques. Et vous avez passé des heures comme ça à énoncer, en quelque sorte, votre propos en disant il y a tant d'auteurs parce que tel auteur se distingue de tel autre au nombre de points. Oui, exactement. Il a une signature mathématique caractéristique. Si vous prenez un texte, c'est infaillible. Ah oui, il n'y a même pas une chance sur un million de se tromper. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, Jean-Jacques Walter, de cette conclusion-là ? En fait, à quelle remise en cause nous amène-t-elle ? En quoi est-ce que c'est dangereux en réalité ? Je ne sais pas. Alors, je vais vous prendre une comparaison avec la Bible. La Bible, c'est un document inspiré. Ce n'est pas un document dicté. Comme il est inspiré, les gens qui l'ont écrit peuvent parler soit en tant qu'inspiré, soit en tant qu'homme de leur époque qui raconte des choses de leur époque. Par exemple, saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, dit « Voilà ce que je vous dis, non pas moi, mais le Seigneur. » C'est-à-dire qu'il parle en tant qu'inspiré. Deux versets plus loin, il dit « Voilà ce que je vous dis, non pas le Seigneur, mais moi. » Il ne parle plus en tant qu'inspiré. Et n'importe quel occidental, devant n'importe quel livre sacré, essaye de faire la différence. Et qu'est-ce qui est inspiré? Qu'est-ce qui vient de l'époque? Dans le Coran, vous avez une bonne partie qui n'est pas inspirée. Alors que les musulmans traditionnels disent que tout est inspiré, que tout vient d'Allah. C'est une thèse extrêmement étrange. D'après les musulmans traditionnels, le Coran a été écrit avant la fondation du monde, il y a 14 milliards d'années. En arabe classique, parce que Allah parlait l'arabe classique avec les anges dans le paradis depuis 14 milliards d'années. Il a écrit ça sur une table il y a 14 milliards d'années. Elle était restée dans le paradis et puis finalement, il a décidé que le temps était venu. Il l'a fait lire par l'ange Gabriel, qu'il a récité à Mahomet, qu'il a récité, etc. Tout est à ce moment-là sacré dans le Coran. Et vous ne pouvez pas appliquer la distinction. Or, vous avez des tas de parties du Coran qui sont inacceptables. Par exemple, la terre plate. La terre est plate dans le Coran. Oui. Alors, c'est inextricable pour l'islam traditionnel parce que dans le Coran, il y a une sourate qui est la 33 dans laquelle le verset 21 dit que Mahomet est le beau modèle. Tout ce que Mahomet a dit est vrai, tout ce qu'il a fait est imitable. L'imitation de Mahomet est une des bases de l'islam. Et Mahomet a dit que sa communauté ne serait jamais d'accord sur une erreur. Donc, quand les légistes sont tous d'accord, c'est vrai. L'islam est complètement ligoté par des décisions prises par les légistes au 7e, 8e, 9e siècle. Parmi ces décisions, il y a le fait que les versets du Coran en question disent bien que la terre est plate. Si on essaie de changer ça dans le cadre de l'islam traditionnel, c'est-à-dire de dire qu'il faut une nouvelle interprétation, dans ce cas-là, ça veut dire que l'interprétation précédente était fausse. 90% de la charia, c'est des interprétations. Donc on met en l'air 90% de la charia. Par ailleurs, Mahomet a dit que sa communauté ne serait jamais d'accord sur une erreur. Mais si on fait une nouvelle interprétation, la communauté d'accord était quand même erronée. Donc Mahomet aussi est erroné. Donc tout ce qu'a dit Mahomet n'est plus recevable en tant que certain. Ce sont les dominos, en fait. Et c'est des dominos, et ça va jusqu'au Coran, puisque c'est le Coran qui dit que Mahomet... Bon, ça démolit tout. Par contre, dans ce qu'on appelle l'islam des Lumières, Malek Sherbek est un intellectuel musulman qui a forgé ce terme. Les Lumières dont il s'agit, c'est celle du 18e siècle, le siècle des Lumières. En fait, c'est les droits de l'homme. Dans ce cas-là, on considère que la théorie du Coran créé est fausse. Je me souviens d'un jeune musulman, qui s'appelait Hakim. Il venait du Maroc. Il avait fait au Maroc une licence informatique. Il venait en France faire un inter. Il avait créé une petite société de 5 personnes. Et il m'a dit, je suis musulman, je préfère mourir que cesser de l'être. J'ai dit, bon, très bien. Alors, que pensez-vous de la théorie du Coran créé? Il m'a dit avec beaucoup de regret, ah, ça on ne peut pas croire. Eh bien, la position des musulmans adeptes de l'islam des Lumières, c'est le Coran créé, on ne peut pas croire. Allah ne parlait pas. Non. Donc, il faut remettre en cause un certain nombre de versets. Par exemple, les versets de la Terre plate et tous ceux... Ça relativise. Ça élimine un certain nombre de choses. Ça élimine notamment les versets de la violence. On dit que le Coran contient tout et son contraire et donc il n'est pas violent. Mais si, vous avez un certain nombre de versets qu'on appelle les versets de l'abrogation. Par exemple, Sourate 2, verset 106, ou Sourate 16, verset 101, ou Sourate 52, verset 22. Jean-Jacques Walter parle sans notes, je précise. Qui disent que quand deux versets se contredisent, le dernier en date annule et remplace le précédent. Or, tous les versets modérés, qu'on appelle des mansouks, sont abrogés. Et tous les versets violents, qu'on appelle des nasiks, sont des versets abrogeants. Compte tenu des versets d'abrogation, il n'y a pas un seul verset du Coran modéré qui soit en activité. Bon. L'islam des Lumières rejette ces versets d'abrogation. Mais quand vous dites l'islam des Lumières, Jean-Jacques Walter, c'est une incantation un peu de votre part, c'est une dénomination vue par l'occidental. Non, pas du tout. Dans quelle mesure les musulmans peuvent-ils s'approprier ce que vous dites pour expurger le texte de ce qui peut pousser à la violence? Il y a un très grand institut de sociologie en Europe qui s'appelle le WZB à Berlin, 160 chercheurs. Il est financé à moitié par Berlin et à moitié par l'État fédéral. Et il a fait une étude dans 6 pays d'Europe et il conclut qu'environ 20% des musulmans d'Europe, les chiffres sont à peu près pareils dans tous les pays, ont franchi le pas et sont des occidentaux. En France, ce sont de vrais musulmans et de vrais Français. Et puis, il y en a environ 70%, 73% pour être exact, qui disent que les lois d'Allah sont supérieures aux lois des hommes et que quand il y a contradiction entre le Coran et les lois occidentales, il faut choisir le Coran. Et 82% qui disent qu'il n'y a qu'une seule interprétation du Coran. L'islam des Lumières, ce sont les 20% qui ont choisi l'Occident. Donc, ça existe. Et ce sont des gens nombreux. Nombreux, enfin bon, en France, il y a environ 6 millions de musulmans. Mais il y en a 1 200 000 qui sont rattachés à l'islam des Lumières. Et qui disent, à propos du Coran créé et d'Allah qui parlait arabe il y a 14 milliards d'années, on ne peut pas croire. Mais il y a eu des enquêtes faites en France là-dessus? Oui, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu une faite par l'Institut Montaigne, qui a été dirigé par Hakim Al-Karawi. Mmh. Qui est venu sur cette antenne, d'ailleurs, il y a quelques semaines. Voilà. Alors, il est assez particulier parce qu'il avait un père musulman, une mère protestante, et il ne pouvait pas truquer naturellement les résultats de l'IFOP. Mais il pouvait choisir les questions qu'il posait. Il n'a pas posé les questions des livres. Par exemple, que fait-on quand il y a contradiction entre l'islam et l'Occident? Est-ce qu'il y a plusieurs interprétations du Coran? Est-ce qu'un musulman peut être libre de changer de religion? Bon, tout ça, il l'a éliminé. Ce qui fait que l'enquête qu'il a faite, elle a des côtés intéressants, mais elle n'est pas aussi significative que celle de l'Institut de Berlin, qui lui a posé les vraies questions. En fait, ce que vous dites, Jean-Jacques Walter, c'est que 20%, c'est une estimation, mais 20% des musulmans qui vivent en France sont assimilés au code de l'Occident. Oui. Bon, et donc, ne représentent pas de danger particulier, si je puis dire, dans le sens où il n'y a pas de caractère imprévisible. Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça n'est que 20%. Ça veut dire 80%. Est-ce que par automaticité, et au risque de faire des amalgames, et on sait quelle est la portée de ce mot amalgame, est-ce que par automaticité, vous associez ces 80% au danger terroriste? Alors, pas tout à fait. Il y en a 70% et il y en a 10% qui sont intermédiaires. Mais bien entendu, le danger terroriste, c'est une conséquence. Et l'origine, la cause, c'est la fracture entre les Français. Il y a eu une enquête faite par Sinopia il y a juste un an. 80% des Français... Alors Sinopia, c'est un laboratoire d'idées, je crois. Hein. Oui. Il a fait faire l'enquête par l'IFOP. Hmm. 80% des Français considèrent que l'islam et la France sont incompatibles. Et 70% des musulmans considèrent que l'islam et la France sont incompatibles. Ils sont d'accord là-dessus. Mais les Français choisissent la France et les musulmans choisissent l'islam. Et c'est parmi eux que se recrutent les terroristes. Et actuellement, il y a une contre-société, dans les cités notamment, dans lesquelles les joueurs de football refusent de chanter la Marseillaise quand ils sont dans une rencontre internationale, les femmes qui ne sont pas voilées prennent des volets, les professeurs qui parlent de Charles Martel ou de la Shoah se font tabasser. Bref, cette contre-société est violente et fermée. C'est là que naît le terrorisme, mais c'est beaucoup plus grave que simplement le terrorisme. C'est toute une contre-société qui est en état de dissidence. Il y a un séparatisme qui est déjà territorial. À l'image de la tribune parue dans le Figaro, il y a trois semaines à peu près, absolument, qui dénonce le séparatisme islamiste. Oui. C'est un séparatisme qui est déjà idéologique complet, mais qui est aussi territorial. Mais alors, je vous pose quand même une question, parce qu'elle vient inévitablement, cette question. Jean-Jacques Walter, est-ce qu'il y a un rapport avec le sujet dont on parle, le Coran ? Est-ce qu'on n'est pas en présence plutôt d'un phénomène délictueux, de la délinquance, de la radicalisation qui est liée en réalité à des origines sociales ? C'est une interprétation faite par certains en tout cas. Et que l'islam, le Coran, n'est qu'un moyen d'être visible, d'être connu, un moyen de démanteler la violence. Mais que ce n'est pas la source de la violence. Alors, je ne crois pas du tout. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites. Est-ce que ce sont des gens sous-éduqués ? Non. Le London College of Economics contient 19 prix Nobel parmi ses professeurs et ses anciens élèves et plus de 40 chefs d'État ou chefs de gouvernement. Ils ont fait une étude sur les terroristes. 44% des terroristes ont fait des études d'ingénieurs ou des études supérieures. Le Centre tunisien de recherche sur le terrorisme a fait également une étude sur 1000 terroristes. Il y en a 40% qui ont fait des études supérieures. Donc ce n'est pas du tout un manque de culture. D'intégration. Non. Ce n'est pas non plus une question de pauvreté. On dit toujours que c'est les pauvres qui se révoltent. Ce n'est pas vrai du tout. C'était l'idée de Rocard. En 89, il a fait la politique de la ville. Et il a dépensé 40 milliards en croyant que repeindre, comme il le disait, les cages d'escalier et les boîtes aux lettres, ça suffirait. Ensuite, il y a le plan Borloo, 50 milliards, depuis 10 milliards par an. Au total, beaucoup plus de 100 milliards. Et on est passé avec ça des incivilités aux attentats. Ce n'est pas une question qu'on peut résoudre par l'argent. C'est une question de choix dans une idéologie. Parce que si vous prenez le Coran, il déclare que l'ensemble de l'islam, c'est din, dunya, daoula, une religion, une société, un État, les trois à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune séparation entre le religieux et le spirituel. C'est une société totale. Entre le religieux et le politique, vous voulez dire. Et le politique, oui. Et le social, en tout cas, parce qu'il y a des lois qui sont sociales. Plutôt même social que le politique, parce que les musulmans ne sont pas représentés politiquement aujourd'hui. Oui. En revanche, ils ont une influence sur les politiques par la société qu'ils constituent. Et ils imposent une société dans les cités. Bref, cette séparation n'existe pas. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est dans le Coran. De même, la violence, elle est dans le Coran. Mahomet, le beau modèle, il a fait assassiner tous ses opposants. Ses opposants intellectuels comme ses opposants politiques. On sait des choses de Mahomet. Vous êtes intéressé aux sources de l'islam, de la personnalité de Mahomet, parce que là, il y a eu des travaux très intéressants qui ont eu assez peu d'écho médiatique, qui ont eu de l'écho chez les spécialistes, mais... C'est un sujet extrêmement sensible. Aussi. Alors, l'islam n'a aucun document sur les deux premiers siècles. Ce qu'on sait de Mahomet, c'est la Sirah, c'est-à-dire l'histoire de Mahomet, écrite plus de 200 ans après la mort de Mahomet et sous l'égide des califes. Il y a les hadiths, c'est-à-dire ce qu'aurait dit et fait Mahomet, 250 ans, avec des transmissions orales sous l'égide des califes. Donc, il n'y a rien de sûr dans les documents musulmans. Par contre, on commence à retrouver aujourd'hui des documents en arménien, en géorgien, en grec, en latin, qui parlent de Mahomet. Et ceux-là, ils sont de l'époque de Mahomet ou des 10 ans suivants. Ils indiquent que Mahomet était un chef de guerre qui utilisait une religion pour motiver ses troupes, mais qui n'a jamais prétendu être un prophète. Il est devenu prophète 60 ans après sa mort. Les premières indications, qui sont très rares d'ailleurs. Et il est considéré comme prophète et fondateur de l'islam, 200 ans après sa mort. Et ces documents sont attestés, ils sont aujourd'hui l'objet d'études. Alors, il y a une islamophilie dans l'université qui fait qu'ils ne sont pas beaucoup étudiés, mais ils sont disponibles. Ils ont été rassemblés par Harald Motzki aux États-Unis et par Alfred Louis de Prémar en France, ils sont disponibles. On peut les consulter. Absolument. Et ils datent donc de l'époque de Mahomet. Est-ce que des musulmans s'en emparent pour dire quelque chose sur ce sujet ? Non, parce que l'islam est considéré comme un système autoréférent. C'est-à-dire qu'on ne peut critiquer un élément du Coran qu'à partir d'un autre élément du Coran, ou de la Sira, ou des Hadiths. Mais il est interdit à un musulman de prendre un document non musulman pour interpréter le Coran ou pour comprendre ce que c'est que l'islam. Donc il n'y a pas d'approche historico-critique ? Aucune. C'est non seulement il n'y en a pas, mais elle est interdite. Et quand vous en parlez à des personnes qui se réfèrent justement à l'islam, Jean-Jacques Walter, est-ce qu'il y a un moyen de nouer un dialogue, de s'entendre sur ce sujet de la science, d'une certaine façon ? Non, j'en ai parlé avec un certain nombre de musulmans, par exemple sur l'étude mathématique du Coran, et ils vous disent « le Coran est un livre sacré, donc on n'a pas le droit d'appliquer les mathématiques. » Point final. Et ça s'arrête là ? Et ça s'arrête là. Et c'est... le jury de votre thèse, même chose ? Ah non, le jury de ma thèse, il y avait notamment un musulman qui était un chiite, qui est un grand intellectuel, et qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il n'a pas contesté ce que j'avais fait, parce qu'il savait que ce n'était pas contestable et qu'il était trop intelligent pour pouvoir le contester. Il expliquait que le Coran était d'après lui une coquille vide, c'est ses mots. Et que ce qui importe, ce n'est pas le Coran, c'est les commentaires qu'on a déversés là-dessus. Et donc, même si le Coran est un document fabriqué par des hommes sous l'égide des califes, ça n'empêche pas que l'islam est vrai, puisqu'il s'est fondé sur les commentaires et pas sur le Coran. Et donc, d'après lui, ceux qui contestent l'islam au motif que le Coran n'est pas un livre sacré, ceux-là sont des idéologues. Voilà sa position. En fait, la question de la... Jean-Jacques Walter, de la... La substance du Coran et de son origine est évidemment, on l'imagine, sensible. Et il y a un moyen... Il faudrait trouver un moyen pour que les musulmans, d'une certaine façon, sortent par le haut de ce sujet et ne soient pas obligés de se renier, parce que la pire des choses, c'est peut-être de se renier, c'est ça, non ? Oui, mais ce que font les musulmans adeptes de l'islam des Lumières, de dire l'histoire du Coran créé est fausse, et puis de dire, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de versets qui ne sont pas acceptables parce qu'ils viennent de l'époque et pas de l'inspiration. Je me souviens d'une femme, elle s'appelait Myriam, elle me disait qu'elle était tout à fait musulmane. Je lui dis, bon, alors qu'est-ce que vous pensez du verset qui met à mort tous ceux qui abandonnent l'islam. Elle m'a dit, ça n'existe pas. Alors j'ai fait passer dans l'assemblée un Coran, elle l'a regardé, puis elle m'a dit, bon, le Coran j'en prends et j'en laisse. Ça, c'est la position de l'islam des Lumières, du million de personnes, ou un peu plus, qui en France disent, pour que le Coran soit moderne, il faut abandonner un certain nombre de ces versets. Jean-Jacques Walter, vous restez avec nous. On va se retrouver après l'édito de Gérard Leclerc, après 8h, après les infos de Flora Cortès avec les deux islams, aux éditions Télémac. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe à la SNCF. Bien sûr, c'est dans Le Grand Témoin ce matin jusqu'à 8h30. Trois jours pour louer la miséricorde divine à l'église Saint-Sulpice. Le vendredi 6 avril avec le père Antoine Deudeville, messe à 18h45. Samedi 7 avril, 16h, vénération des reliques de Saint Jean-Paul II et Sainte Faustine, puis enseignement du père Alexis Leproux, messe du jour et adoration. Dimanche 8 avril, fête de la miséricorde divine. 13h, messe présidée par le cardinal Batchkiss, enseignement du père Guy Gilbert et confession. Renseignement www.pourlamiséricordedivine.org. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver. Bain et déco. Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé. Bain et déco. Et si c'était le moment de changer ? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception. Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e. Bain et déco. Les défis écologiques à la lumière du bien commun, c'est le thème du deuxième colloque de la chaire Bien commun de l'Institut catholique de Paris qui se déroulera les 5 et 6 avril prochains. Participez à ces deux jours de rencontres inédites avec 12 experts, chefs d'entreprise, économistes, philosophes et théologiens. Renseignements et inscriptions sur icp.fr. ICP, l'esprit grand ouvert sur le monde. Radio Notre-Dame. Une matinée agitée avec des ondées un petit peu partout aujourd'hui, un temps donc plutôt variable, mais qui va quand même s'améliorer. Demain sera encore une journée perturbée, mais ça va aller mieux surtout vendredi. Courage si vous devez prendre les transports et si vous attendez votre train, n'hésitez pas à écouter la radio, bien sûr, 107.7 pour Radio Notre-Dame ou radionotre-dame.com. Jean-Jacques Walter est notre grand témoin, on le retrouve juste après les infos de Flo Cortès à 8h. Bonjour Flora. Bonjour à tous, avec un TGV sur 8 en moyenne aujourd'hui, les cheminots donnent le ton d'une grève longue distance pour contrer le projet de réforme du gouvernement. Chez les personnels tenus de se déclarer 48 heures avant la plus de 3 sur 4 chez les conducteurs. Trafic très perturbé donc aujourd'hui sur les grandes lignes, un TGV sur 8, surtout encore pire sur l'axe sud-est avec un TGV sur 10. Donc 1 sur 8 également pour les trains intercités dont 7 lignes ne seront pas du tout desservies dans les régions intercités. TER et un Transilien sur 5 sont prévus. En Ile-de-France, la circulation RER sera assez variable avec tout de même des trafics perturbés entre un train sur 2 et un train sur 5. Certaines branches ne seront pas desservies non plus. Mouvement qui se conjugue avec, dans les airs, une quatrième journée de grève chez Air France pour les salaires. La bataille autour des problèmes de gestion du stationnement payant à Paris ne peut que commencer en parallèle d'une enquête ouverte par le parquet de Paris sur les pratiques litigieuses de Striteo. La municipalité a décidé de porter plainte contre la société. La ville est en train de préparer depuis la révélation des faits une plainte pour faux usage de faux et escroquerie. Striteo est notamment accusé d'avoir réalisé des milliers de contrôles fictifs dans la capitale. Dans l'actualité internationale, cette année, la journée mondiale de l'autisme tombait hier, lundi de Pâques. L'occasion pour l'Église de montrer sa proximité avec les personnes autistes, leurs proches et ceux qui s'en occupent tous les jours. Le cardinal Peter Tuckson, préfet du Dicaster pour le service et le développement humain intégral, a donc publié un message à l'occasion de cette journée mondiale. Face à l'augmentation du nombre d'autistes, le préfet souligne d'emblée qu'un effort supplémentaire sera nécessaire pour affronter et répondre à cette situation. L'Église est prête à prendre toute sa part dans cette action. Le cardinal Tuckson reconnaît toutefois qu'une vraie inclusion est encore difficile et rend hommage aux familles qui, malgré les nombreuses difficultés du quotidien, offrent un témoignage extraordinaire d'amour pour la personne humaine. Dans le reste de l'actualité internationale, le président italien Sergio Mattarella débutera demain ses conclusions en vue de la formation d'un gouvernement et dans l'espoir ténu de trouver rapidement une solution au rébus politique posé par l'absence de majorité claire au Parlement. Les nouveaux patrons de la politique italienne, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, revendiquant chacun la victoire aux législatives du 4 mars dernier. Le premier pour avoir fait du mouvement 5 étoiles dont il est issu, le premier parti d'Italie avec plus de 32% des voix et le second pour avoir hissé la Ligue à la première place au sein de la coalition de droite, arrivée en tête il y a un mois avec 37% des voix. Enfin, les dirigeants des pays baltes vont demander au président américain Donald Trump de leur envoyer plus de soldats et de renforcer la défense antiaérienne du flanc oriental de l'OTAN. C'est à l'occasion de leur rencontre prévue aujourd'hui, selon des responsables de leur pays. La présidente lituanienne, ses homologues estoniennes et lettons sont reçus à la Maison-Blanche au moment où Washington semble durcir sa position à l'égard de Moscou. Merci Flora Cortès. Jean-Jacques Walter est ingénieur des mines, entrepreneur. Il a croisé islam et mathématiques. C'est vrai que ça paraît comme ça peut-être assez lointain. Eh bien pas du tout. On va revenir avec lui après l'édito de Gérard Leclerc à cette dimension des deux islams dont il nous parle ce matin, Jean-Jacques Walter. D'abord, l'édito de Gérard Leclerc qui nous parle du quotidien Libération qui a au moins ce mérite de donner à penser, ne serait-ce qu'en réactivité à sa ligne de pensée qui reflète souvent les courants intellectuels branchés. Mais on y trouve parfois aussi d'étranges détours. Alors écoutez bien ce que nous dit Gérard Leclerc sur ce qu'il a lu dans Libération. Et puis on va revenir avec Jean-Jacques Walter sur deux éléments de l'actualité. Je le disais à l'instant, l'islam bien sûr, vu par les maths. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe bien sûr à la SNCF. On apprend beaucoup en lisant les gens avec qui on n'est pas d'accord. Ce n'est pas tous les jours, mais il m'arrive de lire le journal Libération. Mais l'actualité m'a conduit en priorité à lire le dossier consacré à la GPA, la gestation pour autrui, qui visiblement à la faveur du journal. Une GPA qui rentre d'ailleurs, à en croire Libération, dans l'évolution générale mondiale des mœurs. Pourquoi donc la France serait-elle si retardataire à admettre ce qui va si évidemment dans le sens de l'histoire ? Que pèsent contre cela les objections de Sylviane Agacinski, de René Friedman ou de José Bové ? Et en plus, celles de ces empêcheurs de tourner en rond que sont les catholiques. Avec un certain agacement, on note que ces catholiques risquent d'empêcher tout débat dans les états généraux de la bioéthique en monopolisant la parole. C'est tout de même un peu curieux ce reproche, car on ne sache pas que l'édit catholique empêche quiconque de s'exprimer. Sans doute sont-ils plus motivés que les autres, mais on devrait plutôt leur en savoir gré, eu égard à leur sens civique. Et par ailleurs, ce pourrait être un motif d'émulation pour les autres, s'ils sont si persuadés du bien fondé de leurs convictions. Mais à Libération, on est si persuadé que l'organisation programmée de l'expulsion de la figure du père dans la génération et l'accueil des enfants a si peu d'importance que le débat même est incongru. J'ai trouvé pourtant dans ce même numéro un article plaidant en faveur d'une sorte de ressaisissement de l'amour humain qui se traduirait par une réhabilitation de la fidélité. J'aurais beaucoup à dire de l'auteur de l'article, Marcella Yacoub, mais je me contente de renvoyer à son texte. Savez-vous qui elle nous donne en modèle de fidélité à nous, humains ? Eh bien, c'est le chien. Il est possible, dit-elle, que notre salut viendra le jour où, au lieu de regarder nos toutous de haut, nous les considérerons comme d'augustes professeurs. Pourquoi ? Eh bien, à cause de cet amour fou et absolu qu'ils éprouvent à l'égard de leur maître. Pourquoi pas, après tout, quand l'amour humain éclate en morceaux, on ne peut que se raccrocher à la fidélité des caniches. Le grand témoin, Louis Dauphren. De retour avec nous, Jean-Jacques Walter. Alors, je ne vais pas vous faire commenter nécessairement l'édito de Gérard Leclerc. Jean-Jacques Walter qui nous parle des caniches et de la fidélité vue à travers le prisme des chiens. À moins que ce débat vous inspire, après tout, non ? Allez, on passe directement. Ces questions éthiques, on a évidemment l'habitude d'en parler sur notre antenne et on reviendra à ces états généraux de la bioéthique. Alors, une question, parce qu'on va quand même écouter votre portrait avec Marion Duchesne, qu'on n'a pas passé tout à l'heure. Pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, on va rappeler un peu ce que vous faites précisément. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 4 ans, vous présentiez votre thèse sur l'analyse des données textuelles appliquées au Coran, vous permettant ainsi de décrocher à l'âge de 80 ans votre doctorat en islamologie à partir des maths, hein, c'est ce qu'on se disait puisque vous êtes ingénieur des mines. Démarche singulière que la vôtre, Jean-Jacques Walter, qui a abouti l'année dernière à la publication donc, des deux islams, Islam des Lumières contre Islam Radical, on va y revenir dans quelques instants d'ailleurs, aux éditions Télémaque. Et puis je rappelle que vous donnez une conférence le vendredi 13 avril au Cercle Interallié, rue du Faubourg Saint-Honoré, à Paris, à 8h30 du matin. C'est un livre pour comprendre, dites-vous, et Marion Duchesne développe quelque peu cette idée. Mon objectif, montrer ce qu'est l'islam, tel qu'il est défini par les légistes et tel qu'il résulte du Coran, explique Jean-Jacques Walter. Mais je souhaite également montrer l'islam des Lumières, un islam qui rejette une partie du Coran et qui est acceptable pour l'Occident. Cette démarche originale, l'ingénieur des mines l'a entreprise à partir des années 80. À l'époque, Jean-Jacques Walter, libéral dans l'âme, dirige sa propre société de presse consacrée à la musique. Le chef d'entreprise qui a le goût du risque se lance d'une toute nouvelle aventure. Je voulais comprendre comment se développent les machines totalitaires, comment elles détruisent tous les aspects de la personnalité, de l'intelligence et de l'affectivité. Un travail qui mène petit à petit Jean-Jacques Walter vers l'islam, un islam qu'il a par ailleurs côtoyé, enfant et adolescent, à la fin des années 30, puisqu'il a vécu au Maroc durant 10 ans. Il s'est donc plongé dans une analyse scientifique du Coran. C'est une fabrication politique, répète Jean-Jacques Walter. Le Coran est une histoire longue et complexe. On a même détruit des preuves pour construire une légendologie. Pour l'ingénieur, il y a aujourd'hui deux islams. Le premier, c'est le million de musulmans qui ont choisi d'être compatibles avec la République, dit-il. Il y a ensuite l'autre islam qui prend le Coran au pied de la lettre. Jean-Jacques Walter pourrait être taxé d'islamophobe, mais peu importe, à celui qui s'est converti par la prière au catholicisme à l'âge de 28 ans, ceux qui rejettent le plus violemment l'islam ne sont pas du tout les occidentaux, conclut-il. Ce sont des musulmans qui n'acceptent plus une partie de l'islam. Et ces musulmans, vous les évaluez à peu près à notre pays, à 20% de la communauté qui vit sur notre sol, et vous estimez donc qu'ils représentent ce regard critique, en fait. Un nouvel islam, un islam fondé, un islam qui rejette cette théorie assez extraordinaire selon laquelle le Coran a été écrit par Allah il y a 14 milliards d'années, donc serait intouchable. Il le considère comme un écrit général, c'est-à-dire en partie inspiré, mais en partie venu des hommes qui l'ont écrit, et donc il rejette certains des versets, ceux qui mettent les femmes en infériorité, ceux de la violence, ceux qui sont incompatibles avec la réalité. J'avais parlé de la terre plate. Il y en a d'autres, par exemple, Marie, mère du Christ, d'après eux, fait partie de la Trinité. Bon, il n'y a jamais un chrétien qui a mis Marie à la place de l'Esprit-Saint. De même, Marie, d'après le Coran, est la sœur d'Aaron. Or, la Myriam, sœur d'Aaron, vivait 1200 ans avant. Alors, il y a deux explications. L'une, elle est restée jeune pendant 1200 ans et personne ne s'en est étonné parce qu'Allah voulait que personne ne s'en étonne. L'autre explication, fille d'Aaron, sœur d'Aaron, ça veut dire descendante du père d'Aaron. On peut dire, on trouve dans les textes musulmans, fils de pour dire descendant à la énième génération, mais on ne trouve jamais sœur du fils de pour dire descendant à la 60e génération. Bon, voilà quelques-uns des versets impossibles. Et le Coran des Lumières les rejette simplement en disant c'est de l'époque. On a eu une question sur la Terre plate, par exemple. Oui. Bon, je n'ai pas en mémoire sur Facebook les numéros des versets de la Terre plate, mais ce que je suggère à la personne qui s'y intéresse, c'est d'acheter le Coran de Denise Masson, dans lequel il y a des index très bien faits. Elle trouvera ce que je viens de dire, Myriam, sœur d'Aaron, et Myriam faisant partie de la Trinité. Jean-Jacques Walter, cet Islam des Lumières, qui sont les personnalités en France qui le représentent? Vous les connaissez? Vous pouvez les citer? Est-ce qu'ils représentent des interlocuteurs à l'heure où précisément l'exécutif voudrait organiser l'islam pour en quelque sorte faire la même chose qu'avec l'Église catholique? Est-ce qu'il y a un carnet d'adresses? Il y a un téléphone? Il y a quelqu'un qui a appelé? Malek Chabel, malheureusement, est mort. Il y a quelques années déjà. Il en faisait partie. Rachid Benzine, oui, il y en a un certain nombre comme ça. Ils sont assez faciles à trouver. Mais ils sont quand même très prudents parce que ils risquent de se faire trucider par leurs coreligionnaires. Donc, ils marchent sur des œufs. Moi, je ne suis pas musulman. Donc, si je ne suis pas d'accord avec certaines parties de l'islam, je ne suis pas un apostat, donc je ne mérite pas la mort. Ils sont dans une situation très difficile. Qu'est-ce que vous recommanderiez à nos gouvernants sur cette question-là, Jean-Jacques Walter? Eh bien, de choisir la France. Je vais vous donner un exemple qui est un refus du choix de la France. En 2000, Chevènement réunit l'ensemble des musulmans et demande à mettre dans la charte des musulmans le droit pour un musulman de changer de religion, la liberté religieuse. Il a été menacé de tels troubles de l'ordre public qu'il a renoncé. 3 ans plus tard, en 2003, Sarkozy a fait la même tentative et il a reculé pour la même raison. En France, aujourd'hui, la liberté religieuse est inscrite dans la Constitution, mais on admet que les musulmans n'ont pas à la respecter. Et de fait, un livre comme Converti de l'islam, écrit par une femme qui a été convertie au christianisme, raconte le parcours d'une vingtaine de jeunes femmes qui sont devenues chrétiennes et les violences physiques qu'elles ont dû subir, les menaces de mort qu'elles ont dû subir. En France, aujourd'hui, la liberté religieuse n'est pas respectée avec l'appui de l'État. Mais ce n'est pas à l'État, Jean-Jacques Walter, de dire à une religion de changer non, son propre texte. Non, mais c'est à l'État. Que diraient les catholiques si l'État nous disait ou disait au pape ou aux évêques, ben là, dans l'évangile, il faut changer, là. Par contre, ce que l'État devrait faire, c'est protéger les personnes qui refusent de rester dans l'islam. Quand on les attaque physiquement, qu'on leur colle des volets, etc., il appartient à l'État de mettre en prison, ou mieux, d'exclure de la France ceux qui refusent la France. Mais ça, c'est une solution d'ordre public, ce n'est pas une solution pérenne pour assurer ce qu'on appelle le vivre ensemble. Hein. Si, je crois que si. Parce qu'actuellement, il y a l'islam des Lumières qui se développe très peu. La moitié des jeunes actuels refusent la France. Ils sont plus nombreux que leurs parents à refuser la France et à dire il faut appliquer les lois de l'islam. Il appartient à l'État de dire ceux qui ne veulent pas de la France ne restent pas en France. Alors ne pas respecter la France... Mais s'ils sont nés en France, ils sont français. Oui, mais il est tout à fait légitime et possible également de leur retirer la citoyenneté parce qu'on peut retirer la citoyenneté de quelqu'un qui refuse la France s'il a une autre citoyenneté. Or, tout musulman peut exercer n'importe quelle fonction, y compris chef d'État, dans n'importe quel État musulman. Donc un musulman de France a de droit 57 nationalités, celles des 57 États de la coopération islamique. C'est un argument que vous avez déjà avancé auprès des institutions françaises ou internationales en disant que de fait un musulman a toutes les nationalités de tout pays musulman. Est-ce que c'est si vrai que ça? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils soient non plus très solidaires entre eux. Regardez sur la question des migrants par exemple. Très peu de pays musulmans ont accueilli des musulmans dans la détresse. Oui, exact. Ça, c'est leur théorie, puis leur pratique. Mais leur théorie, c'est que n'importe quel musulman a droit à n'importe quelle nationalité. La pratique, ils ne le font pas toujours. Mais on pourrait faire des accords commerciaux avec l'un ou l'autre de ces pays pour qu'ils donnent son passeport en appliquant sa propre théorie à tous les Français dont on retire la citoyenneté. Et les Français qui rejettent la citoyenneté française, les Français qui prétendent que la liberté de conscience en France doit être punie de mort, ou qui mettent des volets aux femmes qui ne veulent pas porter le voile, ou qui menacent ou mettent des volets aux professeurs qui parlent de la Shoah ou qui parlent de Charles Martel, tous ces gens-là n'ont rien à faire en France. Et si on les rejetait de France, je crois qu'il y aurait une évolution plus rapide vers l'islam des Lumières. Est-ce qu'on peut traiter, Jean-Jacques Valter, la question du terrorisme, ce qui s'est passé par exemple dans l'Aude tout récemment? Est-ce qu'on peut traiter cette question-là froidement en la dissociant complètement de l'aspect religieux? Parce qu'on a le sentiment qu'avec l'aspect religieux, on met le doigt dans quelque chose qu'on ne pourra jamais vraiment démêler. Est-ce qu'on peut se dire, bah voilà, le terroriste, c'est un... c'est un déséquilibré, c'est un... Je ne sais pas, il y a des tas de formules. D'ailleurs, on voit bien que les médias ont essayé de trouver des tas d'échappatoires pour que la question islamique soit mise un petit peu de côté. Ça, oui. Cette option vous semble complètement à écarter ou au contraire, c'est la seule voie possible? Non, elle est à écarter parce que c'est effectivement l'islam qui produit ça. Vous avez un certain nombre de religions sur Terre, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme. Tous les terroristes sont des musulmans sur Terre. Il n'y a pas d'hindouistes, il n'y a pas de bouddhistes qui fassent le genre d'explosion avec une ceinture d'explosifs. Enfin, la guerre au Sri Lanka, par exemple, entre Tamoul et Singhalais. Oui, c'est une guerre d'État à État ou d'État à groupe, mais ce n'est pas des terroristes individuels qui viennent se faire exploser. C'est quand même assez frappant, ceci. C'est l'islam qui les motive. Je vous ai dit, ce n'est pas le niveau culturel, ce n'est pas une question d'économique. D'après les études que j'ai citées, ce n'est pas le cas. C'est une idéologie. Quand je dis idéologie, du fait que l'islam couvre tout, la société, l'État, etc., 90% des lois de la charia sont des lois sociétales. C'est-à-dire que l'islam n'est pas une religion au sens occidental, c'est un mixte de religion et d'idéologie. Et l'idéologie, c'est 90%. Et cette idéologie est ultra-violente. Et les gens qui sont plongés dans cette idéologie, c'est ceux-là qui font des terroristes. Mais ultra-violente pour ceux qui ne la partagent pas. Mais en soi, vous avez certains qui... C'est aussi une thèse qu'on a entendue, qui est de dire plus la personne sera musulmane, moins elle risquera de sombrer dans la délinquance, plus elle sera encadrée moralement, socialement. Et donc, ça sera un facteur d'ordre. C'est totalement inexact. Quand le verset 89 de la sourate 4 déclare qu'un musulman qui abandonne l'islam doit être mis à mort. La charia stipule que, puisque les femmes sont des inférieures, une femme qui est amoureuse ou qui a un projet de mariage avec un non-musulman deviendra forcément semblable au non-musulman et donc, en prévision de son apostasie future, on doit la tuer tout de suite. Ça, c'est dans l'essentiel de l'islam. C'est dans le Coran et c'est dans la charia. Par conséquent, c'est complètement faux de dire que ceux qui respectent la charia ne sont pas violents. Dans le Coran, il y a le verset 41... sourate 41, verset 10, qui dit « Venez de gré ou de force ». C'est Allah qui dit que tous les hommes doivent venir à l'islam de gré ou de force. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de pacifique. Le Coran n'est pas pacifique du tout. Il y a 165 versets qui stipulent la violence. Que peut faire l'Église catholique, Jean-Jacques Valter? Convertir. Quand on dit « Il ne faut pas faire de prosélytisme parce que c'est agressif », si. Le Christ a dit « De toutes les nations, faites des disciples. » Je vais vous raconter une histoire, deux histoires. Ils sont passés très récemment. L'une, c'est celle d'une bonne sœur qui a vécu à Alger, qui a passé 50 ans à servir des musulmans. Elle a fini par mourir, elle était à l'hôpital. Et un couple d'amis musulmans est venu la voir. Et la femme musulmane lui a dit « Tu as fait le bien pendant 50 ans et tu vas aller en enfer puisque tu n'es pas musulmane. Puisque pour les musulmans, tout ce qui n'est pas musulman va en enfer. Même s'ils n'ont jamais entendu parler d'islam, même s'ils ont mené une vie moralement parfaite, ils vont en enfer. » Et le mari qui était à côté a dit « Ça sera quand même un coin pas trop chaud de l'enfer parce qu'elle a fait le bien pendant 50 ans. » C'est tout ce qu'elle a obtenu par le témoignage. L'autre histoire, c'est celle d'un jeune Kabyle. Il vivait en France. Et il m'a dit un jour « Dans mon village, où il y a 400 personnes, il faut absolument que je trouve la clé d'une grande salle parce que je fais une réunion. » Je dis « Ah bon, et qu'est-ce que tu feras dans la réunion ?»« Ben, je convertirai tout le monde. » « Je convertirai tout le monde ?» Oui. Trois semaines après, un peu plus, il m'a dit « J'ai trouvé la clé ». Il est parti dans son village et il a fait exactement ce qu'il a dit. Les 400 habitants du village se sont convertis, sont devenus chrétiens. Il est le chef de cette petite église. Il vit toujours en France. Il téléphone tous les jours pour la diriger et il y va une fois tous les 15 jours. Eh bien, celui-là, il a bien servi le Christ parce qu'il a annoncé le Christ à toutes les nations. Et la bonne sœur qui a témoigné et qui n'a jamais fait de prosélytisme, elle l'a mal servi. Voilà ce que peut faire l'Église. Être prosélyte et convertir les musulmans en leur montrant qu'une religion d'amour vaut mieux qu'une sociologie de la violence. Donc ça veut dire développer un argumentaire. Ça veut dire développer un argumentaire, ça veut dire parler, ça veut dire témoigner. Parler à la raison, en fait. Et à l'amour. Les gens ont envie d'amour. Mais le témoignage, c'est une forme d'amour. Quand on témoigne, ça veut dire qu'on n'impose pas. Enfin, tout le discours aujourd'hui de l'institution catholique, c'est on propose et on n'impose pas. C'est comme ça. Et le résultat, voilà. Ils ne proposent pas, ils montrent, c'est tout. Actuellement, le maximum de conversions dans le monde, plus de 80% au christianisme, c'est fait par des évangélistes qui, eux, argumentent. Ils ne se bornent pas à témoigner, ils argumentent. Eh bien, l'Église devrait le faire. Par quelle démarche concrète cela passerait-il, à votre avis, Jean-Jacques Walter, si on devait imaginer quelque chose en France, par exemple? Il faut imaginer des choses nouvelles. Il faut en parler avec les Kabyles. Il y a un certain nombre de Kabyles qui sont devenus convertis au christianisme. Comment ils ont fait? Par exemple, le jeune garçon dont je vous parlais. Bon, comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a raconté à ces 400 habitants du village qui les ont convertis? Puis voir ce qui a marché et le faire. Mais quand vous parlez de rencontres, aujourd'hui, la rencontre telle qu'elle se passe entre les milieux chrétiens et les milieux musulmans, c'est une rencontre où chacun, enfin c'est le dialogue interreligieux se noue autour de l'idée que chacun reste bien dans sa religion et qu'on est très content. C'est une idée totalement fausse. On boit du thé. À ma connaissance, c'est ça. Oui, à votre connaissance, c'est ça, et vous avez raison. Ce qui se passe, c'est qu'on boit du thé ensemble, et puis qu'on se sépare en disant on n'est pas d'accord. Il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Alors d'abord, ce n'est pas la peine de faire des réunions au sommet. Donc il faut dire, musulmans, venez, on va vous convertir, c'est ça? De dire aux musulmans, voilà ce qu'est le christianisme. Le Christ vous aime. Et leur parler de l'amour du Christ, pour eux. Parce que c'est ça qui convertit. C'est leur montrer qu'ils sont aimés par le Christ. Mais le Coran dit que le Christ n'est même pas mort sur la croix, puisqu'on lui a substitué un sosie. Exactement, oui. Alors qu'est-ce que vous voulez faire à partir de ce moment-là? Mais leur dire qu'ils se trompent, que le Christ est effectivement mort sur la croix. Vous en avez la preuve? Il y a un certain nombre de témoignages non chrétiens chez Tacite, il y a une dizaine d'auteurs romains qui en ont parlé. Il y a le linceul de Turin aussi, éventuellement. Éventuellement. Ça, est-ce que ça peut parler, tiens, tenez, voilà. Parce que c'est quand même scientifique. Alors, c'est examiné par les scientifiques un peu. Oui. On peut dire deux choses. D'abord, il y a une datation au carbone 14 qui montre que ce n'est pas du 1er siècle. Et on s'est aperçu depuis que ça a été sur une réparation. Et que ce qu'on a testé, c'est la réparation. Mais est-ce qu'un musulman est sensible à cet argument-là, ce que je veux dire, je crois pas. De l'histoire, non. De ce qui, des la, faits. Non, enfin, l'argument faits. Auquel il est sensible, c'est quand on lui dit « le Christ t'aime, toi, personnellement ». Ça, il est sensible. Parce qu'il n'a jamais entendu ça. L'islam, c'est un dieu vengeur, un dieu qui exige la soumission, qui envoie en enfer tous ceux qui ne sont pas soumis. Bon, ça n'a rien à voir avec le christianisme. La miséricorde dans le christianisme, ce n'est pas seulement le pardon, ce n'est pas un juge qui amnistie une condamnation, c'est un médecin qui vient guérir le mal que la personne s'est faite à elle-même en faisant le mal. Dans l'islam, la miséricorde, d'abord, c'est uniquement pour les musulmans. Tous les non-musulmans iront en enfer, je vous l'ai dit. Et ceux qui ont miséricorde, c'est ceux qui ont été contre l'islam et qui sont pour l'islam. C'est une méthode de sergent recruteur. Quand Mao a mené la révolution culturelle pour reconquérir le pouvoir, on a parlé de la bonté du cœur de Mao. C'est la miséricorde islamique. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait les opposants antagonistes, ceux qu'on ne pouvait pas convertir, qu'il fallait tuer, et les non-antagonistes, qu'on pouvait convertir soit par la conviction, soit par la menace, et ceux-là, fallait les rallier et leur pardonner leur opposition antérieure. La miséricorde islamique, c'est le pardon de l'opposition antérieure à ceux qui viennent se rallier à l'islam. C'est une méthode de sergent recruteur. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde chrétienne. Et quand un musulman découvre ce que c'est que l'amour du Christ et la miséricorde, là, il peut changer. Ce n'est pas la raison, c'est le cœur. Ce n'est pas la raison, c'est le cœur. Merci Jean-Jacques Walter. Et du coup, la SNCF, on n'en a même pas parlé. Mais tenez, je me suis laissé embarquer par le sujet. Mais je sais que vous auriez été passionnant aussi sur cette question-là. Eh bien écoutez, comme la grève va sans doute s'éterniser, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Et puis je rappelle que vous allez donner une conférence bientôt, vendredi 13 avril, au Cercle Interallié à 8h30 du matin, sur précisément les deux islams, islam des Lumières contre islam radical, où vous allez pouvoir développer tout ce que vous nous avez dit. Merci Jean-Jacques Walter. À bientôt. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Et les